Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut aller, c'est au Méchinois Studio 1005, boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Au Méchinois vous offre des assiettes chinoises et des menus familiales au goût de tous, dans un nouveau décor spacieux, avec un personnel courtois et respectueux et une carte de tarif qui fera l'affaire de tous les budgets. Tout le personnel de la direction souhaite à l'organisation des régates de Saint-Félicien franc succès et nous vous invitons à visiter notre page Facebook et nous contacter au 418-679-3339. Les Bleuets Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Parlons de l'association de soccer de Dolbeau, Mistassini avec notre ami Dominique Fortin-Dufour. Salut Dominique! Salut. Dominique, effectivement, on va se parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au soccer de Dolbeau, Mistassini. Oui, ben, premièrement, il y a, jeudi dernier, il y a le U14 féminin qui ont joué contre Jonquière et qui ont gagné 2-0. Okay. À Jonquière. Ensuite, il y a dimanche qui vient de passer, c'est Dolbeau qui ont joué contre le Chicoutimi ML. C'est la deuxième équipe là, senior masculin là, de Chicoutimi. Okay. Dolbeau a gagné 7-0. Ensuite, au niveau du U12 masculin, ben masculin mixte, Chambord a gagné 5-4 contre Dolbeau. Match assez serré à ce niveau-là lundi dernier. Ensuite, mardi, le U14 masculin ont perdu leur premier match. Par contre, ils jouaient contre une équipe qui est classée A, tandis que eux jouent local. Okay. Ils ont perdu 7-3. OK, OK. Donc, quand vous affrontez des équipes comme Chicoutimi, comme ainsi de suite, est-ce que vous avez, l'équipe n'a pas de l'air folle, là? Pas du tout dans ben. Non, ouais. Non. Non, pas du tout, là. Puis on l'a bien vu justement là, au tournoi à Chicoutimi. Ouais, là, c'est vrai. Quand on est arrivé, puis sur 5 équipes, on a rapporté. Il y en a 3 qui ont remporté. Puis on finit dans les 3 premiers dans le top 3. OK, là. OK. Fait que, on a quand même une bonne représentation. Okay. On n'a pas l'air fou face aux autres clubs. OK. Fait que maintenant, si on parlait de ce qui s'en vient cette semaine, est-ce que c'est pas mal. Ben c'est déjà pas mal terminé. Il y a le senior féminin et le senior masculin qui ont joué hier. C'était quand même une grosse soirée au niveau du soccer à Dolbeau. Le senior masculin jouait contre le Mistral de Jonquière, qui est classé cinquième au classement. Puis on a le senior masculin l'a remporté 5-1. Malgré, tu sais, il y avait une grosse chaleur, là. Ils ont commencé le soleil d'en face, tout ça. Puis on jouait à 11 piles. Fait que c'était plus difficile à ce niveau-là. Puis il y a le senior féminin qui ont gagné 3-2 hier contre le Mistral aussi, là, contre Jonquière. OK. Des très gros, quand même une bonne soirée. Ouais, hier. Effectivement. Donc là, le tournoi Alma, c'est quand le tournoi Alma en passant, hein? Le tournoi Alma, c'est première fin de semaine de août. OK. On a, donc, c'est pas cette semaine, c'est l'autre, c'est ça, 7-9, parce que... Exactement. Okay, 7-9 août. Ouais. Là, y a-t-il pas mal d'équipes qui y va? Là, les inscriptions viennent d'être conclues, le final, je ne sais pas, mais je pense que toutes nos équipes U8, U10, puis l'équipe U12 y vont. Ah, OK, OK. Je pense qu'on est quand même assez bien représentés. OK, OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Dominique, la semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique, je suis en vacances, on se reparle dans 2 semaines. Parfait. Voilà, Dominique Fortin-Dufour de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini.